Des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. CKRL. Vous êtes bien à Web Music en compagnie de Simon Roy. Donc, encore une belle sélection de musique en téléchargement gratuit ce soir. Absolument tout ce que vous entendez, vous pouvez donc télécharger à votre guise. C'est gratuit, il n'y a pas de courriel à fournir ou rien de ça. Donc, on vient tout juste d'entendre un artiste de Portland en Oregon. C'était donc Italix avec sa pièce Fever Dream. C'est sur l'étiquette Oligopolist Records, une étiquette qui nous vient de Portland. On va poursuivre avec David Miser, cette fois-ci avec sa pièce Uncompromising Sound. C'est un remix par ARKS. C'est sur l'étiquette Cicuta Netlabel. Donc, c'est la deuxième année qu'il célèbre sur ce Netlabel-là. Donc, c'est une petite release spéciale. Ensuite de ça, de la Russie, c'est Artem Doltsev. Je vous fais entendre sa pièce Low Spirit. Vous allez voir deux pièces quand même assez longues. On se rejoint tout de suite après. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique qu'on vient tout juste d'entendre de la Russie. C'était Artem Doltsev avec sa pièce Low Spirit. C'était sur l'étiquette Sikuta Net Label. Puis avant ça, sur la même étiquette, c'était David Miser avec sa pièce Uncompromising Sound. C'est un remix par ARKS. On poursuit avec l'ami Sanmut qui est vraiment prolifique. Je vous fais entendre sa pièce Air Dara. Ensuite de ça, c'est D-Tech avec sa pièce Indian Ocean. C'est un remix de Andrew Clam. Vous allez voir, vraiment deux pièces excellentes. On écoute ça tout de suite à Web Musique. We'll be right back.

Une pièce à la limite du jazz fusion, c'était donc Eric Jackson avec sa pièce Lonely Road. Avant ça, de la ville de Moscou, en Russie, c'était Nano Cult avec sa pièce Fragments of the Soul. C'était donc avec Rachmi Kapoor. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Le mur du son suit tout de suite après, donc restez à l'antenne de CKRL. Si vous avez apprécié les pièces entendues à l'émission, rendez-vous sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que vous avez entendu d'une façon gratuite. On va se quitter sur une dernière pièce de Harris Pilton. Donc, j'adore le nom de cet artiste-là. Un petit mot, un petit jeu de mots. Donc, je vous laisse sur sa pièce Shaman Dub, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour une autre émission de Web Musique. I'm going to go to the hospital.